Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. And I'm Erica. Welcome to FrenchPod. This is an intermediate lesson. And today you're going to learn some really practical stuff. Exactement, Erica. C'est un sujet vraiment très important, la météo. That's right. Because when you watch the weather forecast, right? Ouais. A lot of times they use some pretty complex language. It's hard to follow. But you need to know so you know what to wear tomorrow, right? Bien sûr, il y a un peu plus que simplement la pluie, le soleil. Right. Un peu plus de vocabulaire que ça. Yeah, and I always found it to be a little difficult to follow if you don't know the words. So today you're going to learn them. So why don't we first listen to the dialogue? D'accord. Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera dégagé avec quelques nuages dans le sud. On attend quelques orages dans le sud-ouest et peut-être de la grêle. L'anticyclone des Açores apportera des vents forts au nord, où il fera nettement plus frais et où on prévoit des giboulées. En Alsace, on attend même du verglas dans la matinée. Les températures resteront dans la moyenne saisonnière. Quant à la qualité de l'air, elle sera moyenne en région parisienne. Partout ailleurs, elle sera très bonne. Okay, we're back. Now, the first thing you're going to hear the weather lady or man say is... Bonsoir à tous. Right, every time. Bonsoir à tous. So, demain matin, what's going to happen? Alors, le ciel sera dégagé. Dégagé. Oui, donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que dégagé, ça veut dire pas de nuages. Le ciel sera clair. And that's like the weather speak for that, right? Like, you wouldn't really say that to one of your friends. Oh, le ciel sera dégagé demain matin. Non, c'est un mot qu'on entend typiquement dans les prévisions météorologiques. Okay, yeah, so this is like a meteorological word. So if le ciel sera dégagé demain matin, it's good news. Bonne nouvelle, oui. Okay, so it's going to be dégagé in most of the country, but... Mais avec quelques nuages dans le sud. Okay. Donc on a sous-entendu dans le sud du pays. Right. But dans le sud-ouest, it's going to be a little worse. Puisque là, on attend quelques orages. So, attendre is a verb you're going to hear a lot in la météo. We're expecting. Exactement. Quelques orages, some storms, dans le sud-ouest, et peut-être... Et peut-être de la grêle. So, la grêle is hail. Mm-hmm. Okay. C'est pas très sympathique, la grêle. Right. Then we get into that real meteorological stuff that even in English, I kind of tune out on. What did she say? Pourquoi? Parce qu'on parle de l'anticyclone des Açores. Right, l'anticyclone. So I guess anti-cyclone is a word in English, but I think in English language, weather forecast is when they usually say the high pressure areas. D'accord, oui. Or high pressure zones. Mm-hmm. In French, you say... Anticyclone, juste pour résumer, c'est un centre de haute pression. Et ici, l'anticyclone des Açores. So what's les Açores? C'est un petit groupe d'îles dans l'océan Atlantique. Okay, I think it's the Azores in English. Et donc, qui est basé pas loin, qui influence très fort la météo en France. So these islands, we're going to hear them a lot in la météo en France. Tout à fait. Because it influences the weather quite a bit. Because it's one of those high pressure areas, one of those l'anticyclone. Et là, encore une fois, il influence puisqu'il apportera des vents forts au nord. So il y aura des vents forts au nord à cause de l'anticyclone des Açores. C'est bien ça. Then she says... Où il fera nettement plus frais. Okay, so nettement is like you're gonna notice it, right? Tout à fait, ouais. C'est vraiment... On va le sentir. Hein. On va sentir la différence. So il fera nettement plus frais. Ouais. And frais normally means fresh. In the summer, Matthew, it's like cool, a good thing. In the winter, it's like chilly. Exactement, ouais. It's not a good thing. And so il fera nettement plus frais et... On prévoit des giboulées. First of all, this is another verb you're gonna hear in la météo is prévoir. Tout à fait, oui. That means that we're predicting. Yeah. So we have attendre, we're expecting, prévoir, we're predicting. Voilà. The two verbs you'll hear in la météo, right? Et là, qu'est-ce qu'on prévoit? What? Des giboulées. And what are giboulées? Ce sont des pluies brèves et soudaines. It's what we call sudden downpours. Mm-hmm. Donc encore une fois, c'est pas très agréable. Okay. You should probably bring your umbrella. And so now she's going to go to a specific region. Here she goes where? En Alsace. Like, where's Alsace? C'est dans l'est de la France. Okay, near like Germany? Exactement. Et là, on attend même du verglas dans la matinée. So dans la matinée, when you first wake up, on attend même du verglas. Ouais. Okay. Et donc le verglas, c'est une couche mince de glace qui se forme, qui est sur le sol. It's the frost. Voilà. Okay. So, wow, geez, en Alsace, même du verglas. C'est pas la région où aller demain. Right. Évitez l'Alsace. Donc, les températures resteront dans la moyenne saisonnière. They resteront, they will stay... Dans la moyenne. Okay, and that means at the average. Voilà. But dans la moyenne saisonnière. Du moment. saisonnière, mm-hmm. c'est un temps qui vient de saison, mm-hmm. donc les quatre saisons, l'été, right. printemps. So what we expect for the season. On est dans les normes. Et après, elle enchaîne uh-huh. sur la qualité de l'air. Okay. How's the air going to be tomorrow? La qualité de l'air sera moyenne en région parisienne. So, moyenne is also average, right? Voilà. Mm-hmm. Mm. Là, ce sera la qualité qui sera moyenne. En région parisienne and everywhere else. Ce qui veut dire que partout ailleurs, elle sera très bonne. Okay, why don't we listen to the weather forecast one more time? On va réécouter ce qu'elle prévoit. Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera dégagé avec quelques nuages dans le sud. On attend quelques orages dans le sud-ouest et peut-être de la grêle. L'anticyclone des Açores apportera des vents forts au nord, où il fera nettement plus frais et où on prévoit des giboulées. En Alsace, on attend même du verglas dans la matinée. Les températures resteront dans la moyenne saisonnière. Quant à la qualité de l'air, elle sera moyenne en région parisienne. Partout ailleurs, elle sera très bonne. On va dire que c'est un temps mitigé pour demain. C'est pas une journée exceptionnelle, mais bon, ça. Yeah, there's gonna be all kinds of weather everywhere, ouais. right? Orage, la grêle, les giboulées. Giboulées, le verglas. It's gonna be quite a day, huh? Okay, now, one thing. We learned like the two verbs you're gonna hear probably the most in the weather forecast is attendre. Et prévoir. Right. And then another thing is there's gonna be a lot of future tense. Bien sûr, ouais, parce qu'on parle de demain. Okay, so what were some of the future tense we had in this dialogue? Donc au début, on dit que le ciel sera... Mm-hmm. Sera what? Dégagé. Okay. What was l'anticyclone des Açores gonna do? Il apportera des vents forts. Okay. And what's the air gonna feel like au nord? Il fera plus frais. Nettement plus frais. Il fera nettement plus frais. And then also, you know, with the temperatures. On emploie le futur pour les températures aussi. Donc les températures resteront... Okay. ...dans la moyenne saisonnière. Et la qualité de l'air sera... Moyenne. Okay, so sera is probably something you'll hear a couple times. It will be sera. D'ailleurs, le dernier verbe encore, elle sera très bonne partout ailleurs. Right. Okay, so hopefully this lesson will help you now next time you watch the news in French, understand it so you don't just tune out. Voilà. So if you have any questions, come to frenchpod.com. You can ask us. Et laissez-nous tout type de commentaires ou suggestions si vous voulez. So, merci. À bientôt. Au revoir.